Toi tu joues à Pikmin depuis ton berceau. Tu crois que Buzz l'éclair, clair est un bon dog. Toi tu joues à Pikmin depuis ton berceau. Tu crois que Buzz l'éclair, clair est un bon dog. Quand j'ai vu des Pokémon, ça avait dans ma tête un flop. Mais je me doutais que ce serait pas un flop. Je suis devenu membre de la team Rocket. Et c'est pour ça que je suis un cool ass. Toi tu joues à Pikmin depuis ton berceau. Tu crois que Buzz l'éclair, clair est un bon dog. Toi tu joues à Pikmin depuis ton berceau. Tu crois que Buzz l'éclair, clair est un bon dog. J'ai été ébloui par la Poké Light. J'ai senti mon corps faire un Poké Flight. J'ai été ébloui par la Poké Light. Bon. Ok. Mon. Fine. Tu joues à Pikmin depuis ton berceau. Tu crois que Buzz l'éclair, clair est un bon dog. Toi tu joues à Pikmin depuis ton berceau. Tu crois que Buzz l'éclair, clair est un bon dog. J'ai resté au bar à faire des kicks high. Le Kingdom Chai plein de poké, poké. Là on peut pas dire qu'on a eu de la veine. Le gameplay de ce jeu en vaut la chandelle. Toi tu joues à Pikmin depuis ton berceau. Tu crois que Buzz l'éclair, clair est un bon dog. Toi tu joues à Pikmin depuis ton berceau. Tu crois que Buzz l'éclair, clair est un bon dog. Tu le poké le big flop. Mais je me doutais que ça ferait pas un plop. Je suis devenu membre de la team Rocket. Et c'est pour ça que je suis un cool ass sticker. Tu joues à Pikmin depuis ton berceau. Tu crois que Buzz l'éclair, clair est un bon dog. Toi tu joues à Pikmin depuis ton berceau. Tu crois que Buzz l'éclair, clair est un bon dog. Toi tu joues à Pikmin depuis ton berceau. Tu crois que Buzz l'éclair, clair est un bon dog. Toi tu joues à Pikmin depuis ton berceau. Tu crois que Buzz l'éclair, clair est un bon dog. Pokémon non d'amoré. Pokémon no namae. Pokémon no namae. Pokémon no namae. Yeah. Who's that Pokémon?